Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Le bon cru. Fucking with me, man. He man, ski man, spending next week's cash. He fast, and I don't even need a G-Pass. I'm past that. I'm passing them out now, and you can't have that. Hit my chain, two can't Sam that. Tropical colors, you can't match that. Gotta be abstract. You catch my girl legs open, better smash that. Don't be surprised if she asks where the cash at. I see she wearing them jeans that show her butt crack. My girls can't wear that. Why? That's where my stash at. I put my mat down, that's where you lack at. She need a candle lit, and I'ma wax that. I rekindled the flame, she remembered the name. His Weezy baby, January, December the same. Mama give me that brain, mama give me that good. Cause I'm the fire man, you hear the fire truck. On campus, it's the Birdman Jr. Money too long, teachers put away your rulers. Raw tune, not a cartoon. No shirt, tattoos, and some wall wounds. I'm hot, but the car cool. She wet, that's a carpool. Been in that water since a youngin', you just shark food. Quick draw, McGraw, I went to art school. Yeah, the lights is bright, but I got a sharp fuse. Don't snooze, been handling the game so long, my thumb's bruised. Your new girlfriend is old news. You ain't got enough green and she's so blue. Yeah, cash money records where dreams come true. Everything is easy, baby, leave it up to Weezy, baby. Put it in a pot, let it steam, let it brew. Now watch it melt, don't burn yourself, cuz. Myself, well, really, not really. So heavy in the trunk, make the car pop a willy. Who? Weezy baby, you call me young baby. My money 360, you only 180. Half of the game too lazy. Still sleeping on me, but I'm about to wake them. Yeah, I'm about to take them to New Orleans and bake them. Yeah, it's hot down here, take a walk with Satan. Yeah. Come on, mama, let the car to make ya. Toss it like a fruit salad, strawberry grape, yeah. They ball when they can, and I'm balling by nature. Addicted to the game like Jordan and Peyton. Y'all in the racing, me, I'm at the finish line. Been running for too long, it's time to give me mine. Straight down your chimney in your living room is I. Weezy, allergic to wintertime. Bonsoir, vous êtes bien dans les bons crus. Malheureusement, sans générique, c'est des fois des petites choses qui peuvent arriver. Ouais, désolé, hein, le petit problème technique, là, on est sans le patron, du coup, petit bémol. Mais ouais, ben, on est un peu en récréation, au final, sans le patron. C'est ça, on fait un peu ce qu'on veut. Non, mais bon, on remettra tout ça en ordre lors du podcast. Yeah. Donc, ce soir, si vous ne l'avez pas compris, il n'y a que Simon et Julien, donc, et on va se faire une petite spéciale Lil Wayne. Exactement, ça nous tenait à cœur à tous les deux, on ouais. Kiffe tous les deux Lil Wayne, donc du coup on s'est dit vas-y c'est le moment. C'est ça, petit retour en arrière quand même avec Lil Wayne, parce que bon aujourd'hui c'est sûr qu'il n'est pas sur le devant de la scène, c'est clairement pas un artiste qu'on écoute à fond en ce moment, mais il a eu clairement sa période de gloire. Donc là, on vient d'écouter d'ailleurs Fireman de Lil Wayne. Extrait de Carter 1. Carter 1. Ouais, Carter 2. Non, Carter 1. Carter 1. Et donc, bon, pour parler de Lil Wayne, pour commencer chronologiquement, donc Lil Wayne, enfant de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Donc du sud. Et il a commencé très tôt, en fait, dans le rap. C'est à quel âge déjà il a... Je sais plus. En fait, je sais pas si tu connais l'histoire, comment il a réussi à percer ou pas. Ouais, bah, c'est Birdman qui l'a... Il a envoyé des freestyles à Birdman. Ouais, à... il lui envoyait tout, je crois. Alors, je sais pas si c'est... Tous les week-ends, il lui envoyait des cassettes de freestyle où il rappait sans arrêt. Et en fait, au début, il s'en battait les couilles, Birdman. Et finalement, petit à petit, il s'est dit, putain, mais il est complètement chaud, lui, il est complètement fou. Et puis finalement, il l'a signé, quoi. Ouais. Sur son label Cash Money. Oui, c'était ça. C'est Birdman, il était déjà à la tête de Cash Money, ouais, c'était pas là. Ouais. Cash Money, c'est vieux de quand d'ailleurs. C'est vieux parce que il faisait grave de trucs avant dessus. Birdman, il y a plein de rappeurs qui ont été signés sur Cash Money. Ouais. Mais bon, celui que vraiment on a pu retenir de la grandeur de Cash Money, c'est surtout Lil Wayne, quoi. Ouais, clairement, il a explosé. Et donc là, on a écouté un morceau de Carter 1, mais Lil Wayne a eu quand même une carrière, en fait, avant ça. Mais grave. Il a commencé, je crois que j'avais vu, hein, c'était à 9 ans, que Birdman, au final, l'a signé vraiment. Mmh. Ou alors, il a commencé à envoyer des freestyles. Et donc, il a eu des groupes, c'était les Hot Boys, c'est ça? Ouais. Les Hot Boys, avec, donc, il y avait, entre autres, Juvenile. Ouais. Dans ce groupe-là. Et donc, il a eu aussi des premiers albums solo, mais qui étaient un petit peu dans l'ombre justement de ses compères de Hot Boys, ouais, qui n'ont pas vraiment marché. Je ne sais plus exactement les noms. Il y avait 500 degrés, il y avait Hot is The Block is Hot. Ouais, mais de toute façon, dans Hot Boys, il y avait B.G., Turk, Juvenile et Lil Wayne. Ouais. Voilà. Sacrée équipe. Et, ah bah grave, bah, que des mecs de la Nouvelle-Orléans au final. Hein. C'est ça, et au début, il était un petit peu dans leur ombre, et c'est avec la série, donc... Là, ce soir, on a fait vraiment une sélection de ce qui nous tenait à cœur. Hein. Oui. C'est clairement pas représentatif de toute la carrière de Lil Wayne. Comme voilà ce que je suis en train d'expliquer, on a zappé un peu la période avant Carter 1 parce que c'est vraiment avec la série des Carter donc, qu'il a commencé à se faire un nom et à vraiment faire des albums cohérents avec qui pouvaient vraiment s'écouter de bout en bout, qui étaient des choses abouties. Donc là, c'était Carter 1. Un petit peu plus tard, bon, vous imaginez qu'il y aura d'autres Carter. Hein. C'est quelque chose qui l'a suivi toute sa vie. Il y a encore pas longtemps, il a sorti le Carter 6, je crois. Ouais, Lil Wayne, figure de proue, clairement, du label Cash Money. Donc là, on va s'écouter un deuxième son qui a été choisi par Julien. Donc c'est Walkin', toujours sur Carter 1. Ouais, bah en fait, c'est le même son pour Walking et Walkout. C'est Walkin', c'est quand il rentre sur l'album. Okay. Et le Walkout, c'est la même prod, mais avec un autre rap dessus. Ok. Ouais, mais c'est bien parce qu'on voit... Intro ou trop. Ouais, sur la même prod, en fait, et on voit bien sa palette de rap, je trouve, sur ce morceau. Il échange les flows saccadés, enfin, un peu de tout au final, et son timbre de voix reconnaissable entre mille, ouais, voilà. C'est intéressant parce que je savais pas qu'il avait... J'avais pas capté qu'il avait fait ça, et je sais qu'il a fait ça aussi sur Carter 4. Il a utilisé la même prod en intro, outro, avec des raps bien sûr différents. Ouais, bah tu réécouteras, tu verras. Puis de toute façon, après, sur ce, on va pas passer tous les morceaux du Carter 1, mais il y a le gros hit, Go DJ, ouais. Voilà, qu'il a lancé quand même pas mal. Et puis après, il a juste entre celui-là et l'autre, Carter 2, après, il avait fait featuring avec Destiny's Child, machin, tout ça, sur Soldier. Enfin bref, Lil Wayne. Oh, yes. Yeah, it's the karma. I came back around. It's the karma. I came back around. It's the karma. Let me show y'all my building, man. It's the karma. Let me show you the ins, the outs, the ups, the downs. You know what I'm talking about? This is me, 4 solo album, baby. I came back around by myself this time. Back off the wall, guns up in the air, in the middle of the street, like bang, bang, bang. This is the Carter, y'all welcome. Hard as Malcolm, dog is the Falcon. Lord help him, but y'all felt him, and that make you a part of me. And pardon me if a part of me is what you wanna be, what you ought to be doing, recording me or just acting accordingly. I give orders to the commander in chief, just the commander in me, handling streets in the Mandarin B. I hear you haters slandering me. I just I simultaneously got two bangers. You do not want Angus, USDA prime beef, you're dead meat. I'm so ahead of these trendy rappers. Speed up, I'm already hot when another one's starting to heat up. Got many hot with me, cause I always be this beat up. Y'all cats with y'all feet up, starting to look like feet up. I'm G'd up, I'm the beat up. In the truck, gotta put my seat up. In the trunk, I got my bass, and I ain't speaking about no speakers. We're speaking about your speakers. It's the speech of Weezy F, baby. No more, no less, baby. So forth and so on. Let's go. Front door, living room, young nigga switching weed. What you need? Get you crack, get you weed. Make your way to the back. Look ahead and see. White bitch in the bathroom, giving head for speed. But don't you turn your head at me. The president been doing it, then he tried to ruin it. But I built this building from the ruts. I own all the corners and the cuts in this motherfucker. And the fans know just what's in this motherfucker. Made niggas so they can't bust in this motherfucker. So with that, let's keep it moving on to the kitchen where my witches keep it brewing. Look at how my bitches do it. Bucky bug naked, look at all my bitches booties. They handle all my pharmaceutics. I got it from promethazine, I'm at a metamucil. I'm crucial, don't mean to spook you, but this is New Orleans, so my queens do voodoo, you know. So the things just move through. I feel your pain. I got things to soothe you. There's bills of Cain, so Wayne and neutral. Don't hate the game, hate the institution. There's bills of Cain, so Wayne and neutral. Don't hate the game, hate the institution. Fucker, I came back around. It's the car. Show you the rest of the house later. We gonna go upstairs. You know. You know what this is, right? With straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then pop models. Uh-huh. Call with yeah. Straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then okay, pop we poppin' champagne like we won a championship game. Feel like I got on a championship game. Cause I ball hard. Notice me ball harder. I am the Birdman. Start with straight shots and then pop bottles. Yeah. Pour it on the models. Shut up, bitch, swallow. If you can't swallow, shut up, bitch, goggle. Straight up out that water with my Marc Jacobs goggles. I'm fresher than a motherfucker. Yeah, I'm a motherfucker. No, I wouldn't take your girl, but I shall take her tongue from her. Can't you tell I'm in love, woman? Like no other woman. Oh, I'm sorry, sweetheart. I thought you were my other woman. Fall with straight shots and then pop bottles. Yeah. With the hood rats, then pop bottles. Uh-huh. Call with straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then okay, pop we bottles. Poppin' champagne call like we won a championship game. Good like I got on a championship ring. Cause I ball hard. Notice me ball harder. I am the Birdman. As I recline behind my desk, I ain't got a lot of Nikes, but I got a lot of checks. Money. Got my own shoe, brand new on a set. Went from sitting in a cell to sitting on the jet. From shitting in a cell to shitting on the jet. I lost too many friends, but I won too many bets. Too many I made bets. Too much money, I ain't make enough yet. So I scratched, and yes. Junior is the best, shawty. So many niggas from my hood on their back. On they so back. Many niggas from your hood on their back. On that's they why back. We so paid and it be like that. I'd rather pop a bottle before I pop a get. Yeah. Call with straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then pop models. Well, call with straight shots and then pop bottles. Yeah. Flirt with the hood rats, then okay, pop we bottles. Poppin' champagne call like we won a championship. Only sipping red champagne, white tea, red hat, red bandana. Uptown, choppers for companion. Fucking with the Birdman, we chopping your companion. Fucking with my son, and we run up in your mansion. Chopper make music, bitch start dancing. Stun a man back, so you know the circumstances. And I'm cooking up the Carter 3, no advance. All my cars automatic, automatic. No lie, we don't even drive, no asking. uptown. We packing and we stacking. Young money, cash money, we the champion. You already know what it is. Thunderman, Thunderman Junior. We bounce back like that. We get meals with the meals, baby. The last mile. It's MOB, baby. Okay, we popping champagne like we won a championship game. Look like I got on a championship ring. Cause I ball hard. No bitch, we ball harder. I am the Birdman. I'm the Jay Harper. Et vous êtes toujours dans les bons crus spécial Lil Wayne. Donc on vient d'écouter Pop Battles, donc avec Birdman. On en parlait à l'instant. Donc ils ont commencé vraiment à se fréquenter, hein, on peut dire ça, parce que ils avaient une relation assez, ils étaient très très proches, quoi. C'était même un peu bizarre parce que Birdman était quand même beaucoup plus vieux. Lil Wayne était encore un enfant, un adolescent quand il a commencé sa carrière. Mais donc ouais, ils ont eu cette relation business. Ami, c'est un peu son père spirituel, quoi. Ouais, mais il le dit, hein, dedans, hein, Birdman Junior et tout ça. Mais ouais, c'est une histoire. Ouais, c'est vrai que c'était un peu ambigu cette histoire. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils étaient gays et tout. Enfin, ouais, ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Je m'en fous. Je suis pas là pour juger de toute façon. Tout ce que je sais, c'est que Birdman était un piètre rappeur et on l'a bien de le voir sur ce morceau. Oui. Et par contre, peut-être il a bien fait son taf parce que il a quand même propulsé Lil Wayne sur il a mis Lil Wayne sur les bons rails. Il lui a permis de grandir et de canaliser sa musique, de faire de la bonne musique. Voilà. C'est ça, il y avait quand même une structure avec Cash Money. Mmh. Ouais, bah, totalement. Et après, bon, Birdman, voilà, moi je trouve que c'est bon, voilà, il aurait pu se passer de faire du rap clairement, il s'est un peu arrêté d'ailleurs aujourd'hui, il fait plus. Il a sorti un truc il y a pas très très très longtemps, il y a même pas un an. Un album, un truc. Oui, bah, un album, mais c'est passé inaperçu évidemment. Ouais. Hein. Il fait ça pour le fun, hein, je pense, hein, pour s'amuser. De toute façon, il a d'autres sources de revenus. Ah oui. Ouais, c'est clair. Il a clairement d'autres sources de revenus. Oui, il était un des rappeurs qui se rapprochait du milliard. Puis après, il y a eu Dr. Dre qui a revendu, je crois, Dre. Et puis. Ouais. Bah, de toute façon, il y a des mecs qui font de l'argent comme ça. Mais après, c'est un peu le même profil que P. Diddy, j'ai envie de te dire. Ouais. Tu vois, c'est P. Diddy, c'est un piètre rappeur, mais c'est un très bon businessman. Donc il y en a certains, voilà, enfin, c'est des mecs qui gravitent autour de rappeurs et qui font un peu de rap. Ils ont eu le talent et le mérite de trouver ces talents au final. Lil Wayne était un rappeur, enfin, il avait rien de spécial pour lui, quoi, juste qu'il rappait très bien, quoi, juste son talent, et ça, il a persisté, il a envoyé ses trucs. Donc là, on vient d'écouter Pop Bottles, donc c'était à peu près. Même période, je crois, que Carter 2. Et donc là, on va passer du coup à un autre morceau. Ouais, on va pas de toute façon s'attarder. C'est pas un focus sur 10 épisodes sur Lil Wayne. C'était juste une spéciale Lil Wayne pour se faire plaisir, pour se faire kiffer. C'est ça. Parce que des histoires sur Lil Wayne, on pourrait en raconter pendant des heures. Mais c'est pas le but de se prendre la tête ou de faire un cours de mathématiques. C'est juste de kiffer. Donc Carter 2, moi... voilà, quand c'est sorti Carter 2, vraiment, le Carter 1, il m'avait cassé la tête, il était ouf. Donc Carter 2, il me semble que c'est 2004, je sais plus, 2004, à peu près. 2005 même, je dirais. Ouais, voilà. Et donc, du coup, dedans, il y avait ce morceau, ça m'avait fait marrer, Best Rapper Alive, avec les voix qui font... Ah oui, d'ailleurs, ça m'a fait penser, l'autre jour, quand je l'ai réécouté, je me suis dit, bah, Kanye West, enfin, genre... Un peu, ouais, bah, c'est un peu la chorale derrière, ouais. Et ouais, mais très religieux, vraiment le meilleur rappeur, avec ce refrain où il y a la guitare saturée et tout, c'était franchement pour l'époque, c'était précurseur, je trouvais ça ouf, et il m'avait mis une claque ce morceau, donc je me suis dit vas-y, on va mettre ce morceau plutôt que tous les autres morceaux qui sont plus mis en avant d'habitude sur ce Carter 2. Donc pour moi c'était mon choix, c'était ce morceau, j'avais kiffé. Thank you. Rappers in my stomach, yummy. I'm taking it, I ain't asking them for nothing. If you sell a million records, we could battle for your money. I'd rather count $100,000 on a Sunday. Watch a football game and bet it all on one play. Still stunting, baby, Cookie, you look a little salty. Have yourself a chill coffee. Chill out, the girls are still out. Even though I am a boss and got papers to fill out. I'm busy, I got paper to reel in. God, I hope they snapping at the end of my ride. I hope I'm fishing in the right pond. And I hope you catching on to every line. Who am I? The best rapper alive. Yeah. The best rapper alive. Yeah. The best rapper alive. Thumping and beating, living and breathing, stealing and feeding, peeling and leaving, killing and grieving, dearly departed, erased, deleted. No prints, no plates, no face, no trace, out of sight, out of mind, no court, no case. Sell his chain, celebrate, block party, second line, Zulu ball, Essence Fest, Jazz Fest, Mardi Gras. Shotty bones, body rock, night drop, night got family trap, tell a bitch, tell a cop, smell a rat, coming back to the house, to the spot, tap, tap, knock, knock, who is that? Chick-a-pop, trigger man, hoodie man, tell the kids, boogeyman, pistol pee, ammo, mammo, gunman, blum, blam. Damn, Sammy, you done fucked up, pussy ass niggas, put your nuts up, just call me. The best rapper alive, yeah. The best rapper alive. Rookie MCs, oof, smell like a bunch of pussy to me. Fuck 'em good, fuck 'em long, fuck 'em hard, fuck who, fuck 'em all. Yeah, like that, just like that. Right back, I'm on that money train, and that Mac will knock 'em off track. The quarterback, well protected from the Warren Sapp. The young heart attack, I spit that cardiac. You can't see me, baby boy, you got that cataracts. I'm right here, straight out the hood, just like an alley cat. Since everyone's a king, well, where the fuck your palace at? Me, I got callus on my hands, I can handle that. It's no problem, baby, I still got him. It's just a victory lap, baby, I'm just jogging. Yeah, and I ain't even out of breath. The motherfucking best yet, sorry for cussing. Who? The best rapper alive, yeah. The best rapper alive, yeah. The best rapper alive, yeah. The best rapper alive, yeah. The best rapper alive. Swagger right, check, game tight. And it go R-E-S-P-E-C-T. D'écouter The Best Rapper Alive donc sur Carter 2. Donc là, c'était vraiment la période où Lil Wayne a commencé à s'autoproclamer meilleur rappeur en vie, du coup. Ouais. Donc voilà, personne ne lui a rien demandé, mais c'est vrai qu'il est, comme on disait en antenne, il est très chaud, ce bâtard. Ouais, il est grave chaud. Grave chaud. Et puis après, on n'en a pas parlé, mais bah, bien sûr, ça va de soi. La voix, quoi. Enfin, je veux dire, avant lui, il y a des mecs qui avaient des grosses voix, des machins et tout ça, mais une petite voix comme ça, nasillarde et tout, tu vois, c'était pas vraiment trop la mode au final. C'était pas. Enfin, moi, la première fois que j'ai écouté Lil Wayne, je dis, oh waouh, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça sonnait pas très viril. Enfin, disons viril, ça correspondait peut-être pas à l'image du rap à l'époque. En fait, je trouvais pas que ça, c'était pas viril, je trouvais que c'était viril, mais parce que ça, quand même, il rappe, il a des couilles, tu vois. Ouais. Mais c'était plutôt du genre inhabituel, tu vois. La plupart avaient une voix, grosse voix, tu vois, quand t'écoutais les Method Man, les ODB, les machins, tout ça qui sont arrivés finalement. Mais à cette époque-là, il y avait, bon, Atlanta, t'avais. T'avais Jermaine Dupri qui avait déjà une voix aiguë un petit peu, tu vois. Le début de merde, Jadakiss, non Oui, Jadakiss aussi, mais une voix, tu sais, vraiment aussi. Enfin, genre, quand t'écoutes Lil Wayne, alors maintenant t'écoutes Young Thug, tout ça, donc tu veux la voix. Oui, la voix maintenant est voilà, c'est démocratisé. Mais à l'époque, une petite voix comme ça, nasillarde, tu vois, vraiment poussée, tu sais, presque, tu sais, à la saturation de la voix, tu vois, ça se faisait pas trop. Et du coup, ça, j'avais trouvé ça vraiment, pour le coup, original. Quoi. Et alors, on va faire une belle transition, mais là, on était à Carter 2, et donc on se dirige vers Carter 3. Donc, entre-temps, il a vraiment pris une autre dimension. Clairement, c'est devenu une des superstars du rap game. Mais grave. Il a sorti des mixtapes qui ont eu un très grand succès. C'est vraiment une période avec de mixtape. Avec DJ Drama, là. Avec DJ Drama, donc c'était Dedication, je crois. Ouais, puis il y en a eu d'autres. Il y a eu plein. Lil Wayne était hyper productif à cette période-là. De dingue. C'est un mec, je crois, je sais pas combien il a fait de morceaux, mais c'était un truc de fou. Et il disait qu'il rappait vraiment sur tout. Genre, il allumait la radio et, dans sa voiture et il rappait. Donc, peu importe le son qu'il y avait, il essayait de rapper dessus. Et donc, Lil Wayne a connu voilà, un gros succès avec ses deux premiers Carter, plus des mixtapes qui avaient un grand succès sur Internet, qui se téléchargeaient à fond. Et donc il se rapproche de Carter 3, et là il y a eu l'introduction aussi qui a contribué à renforcer cette voix un peu spéciale, l'autotune, ouais. Qui arrivait, je sais pas exactement s'il l'a utilisé avant, mais clairement sur Carter 3 c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite, il y a de l'autotune sur énormément de morceaux, il y a même un morceau avec le King un peu à l'époque de l'autotune, le mec qui quand surabusait T-Pain. Ouais. Mais ouais, Lil Wayne, j'en ai parlé l'autre jour là, quand on avait fait ton émission, enfin l'émission que tu dirigeais un peu, Julien sur la ligne là, que j'avais dit ouais. Lil Wayne, je le défendais un peu, je défendais l'autotune parce qu'à cette période-là, les gens critiquaient un peu l'autotune, ouais. C'était mal vu, ils disaient, ah ouais, il rappe pas, il rappe avec un logiciel, c'est de la triche. Et moi je leur disais enfin j'essayais de défendre en fait le l'autotune avec la ligne, c'est ce que je disais l'autre jour. Bref, du coup sur Carter 3, ouais, grande utilisation. Donc il y a des morceaux que vous connaissez, je pense tous, comme Lollipop, des trucs qui ont vraiment pété de manière énorme. Moi j'avais découvert avec Lollipop, hein, j'étais encore très jeune, premier accès, et j'avais tout de suite adoré. Je me rappelle avoir acheté l'album, un de mes premiers albums. Donc on va s'écouter un premier son qui est Emily. Donc c'était vraiment un des tubes, un des tubes de cet album. Hein. Un espèce de gros banger, un clip où Lil Wayne, c'est un espèce de plan séquence où ça suit Lil Wayne dans la rue. Ouais, en fait, je pense que c'est devant un tournage de clip ou un truc comme ça. Il sort de sa loge, enfin sa caravane, quoi, loge, quoi. Et ouais, il rappe en se préparant et tout ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Genre, il y a la maquilleuse, elle lui met un ou deux trucs, puis lui il se barre en plein milieu, il fait ce qu'il veut. Enfin, tu vois que c'est le boss. C'est une démonstration de rap pour le coup, Emily. Hein. Exactement, ouais. Et la prod, je crois que c'était. Putain, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais plus. Je crois que c'est Bangladesh, mais je suis pas certain. Ah, ouais, c'est possible. Bon, on va s'écouter tout de suite, du coup, Emily. Millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual bleed through the pencil and leak on the sheet of the tablet in my mind. Cause I don't write shit, cause I ain't got time. Cut my second minutes, hours go to the almighty dollar in the almighty power of that chopper. Sister, brother, son, daughter, father, motherfucker, copper. Got the Maserati dancing on the bridge. Pussy poppin', tell the coppers, ha ha ha ha. You can't catch them, you can't stop them. I go by them goon rules. If you can't beat them, then you pop them. You can't man them, then you mop them. You can't stand them, then you drop them. You pop them, cause we pop them like over red and vodka. motherfucker, I'm ill. Yeah. A million here, a million there. Sicilian bitch with long hair, with coconut every year, like smoking the thinnest air. I open a Lamborghini, hoping them crackers see me. Like, look at that bastard Weezy. He's a beast, he's a dog, he's a motherfucking problem. Okay, you're a goon, but what's a goon to a gobbler? Nothing, nothing. You ain't scaring nothing. On some faggot bullshit, call him Dennis Rodman. Call me with your own peach, call me on my sidekick. Never answer when it's private. Damn, I hate a shy bitch. Don't you hate a shy bitch? Yeah, I hate a shy bitch. She ain't shy no more. She changed her name to my bitch. Yeah, nigga, that's my bitch. So when she asks for the money, when you through, don't be surprised, bitch. And it ain't tricking if you got it. But you like a bitch with no ass. You ain't got shit. Motherfucker, I'm ill, not sick. And I'm okay, but my watch sick. Yeah, my drop sick. Yeah, my Glock sick. And my knot thick. I'm it. Motherfucker, I'm ill. Yeah. See, they say I'm rapping like Big J and Tupac. Andre 3000, where is Erica Badu at? Who that say they gon' beat Lil Wayne? My name ain't Big, but I keep that flame. Like, who that wanna do that? Boy, you knew that you that swallow. And I beat this shit, now you got loose bowels. I don't owe you like 2 vowels, but I would like for you to pay me by the hour. And I'd rather be pushing flowers than to be in the pen sharing showers. Tony told us this world was ours, and the Bible told us every girl was sour. Don't play in a garden and don't smell her flower. Call me Mr. Carter, Mr. Lawnmower. Boy, I got so many bitches like I'm Mike Lowry. Even Gwen Stefani said she couldn't doubt me. Motherfucker, I say life ain't shit without me. Chrome lips poking out the coupe, look like it's pouting. I do what I do and you do what you can do about it. Bitch, I'll turn a crack rock into a mountain. Damn, man, don't you compare me, cause there ain't nobody near me. They don't see me, but they hear me. They don't feel me, but they fear me. I'm ill at C3, 3P. Yes. What it look like out? I'm trying to show these niggas, man. It's that street fan, man. We rep that. Yeah, I'm with 101 niggas, we Dalmatian doggy beat. And fly with the tongue, so if you feeling froggy, leave. Kermit, you better think before you rip it. Don't be murdered over your song before you ad-lib it. I pop up like a zibbit, but give it, I'm at your cribbits. Not to put no fucking fish tanks in your civic. Fuck getting your ride pimp, you'll get hog-tied whip. Have you in the trunk curled up like fried shrimp. It's been a good year, maybe I should ride with Lemon. Cause your boy just stay above the game. They tryna tag him, spray your brother frame. But your shots can't reach me, I'm way above your aim. Go ahead, nigga, say another name. Take the family for a joke, play them weighing brother games. And I'ma get you, sucker, I'll be scheming with this Keenan. Aiming with this Damon, I'm putting that major pain in. My little man is on ya, Marlon and Shawnya. Lay the beef on his noodle, make some Luga lasagna. 40 cal fettuccine, 3-pound pasta. You reach for this medallion, you must like Italian, nigga. You only see me pushing if the driver's tired. I work the S6 ever since the 5 retired. The drop top, they say it's Ocean Drive inspired. So you can call a cab once your bitch fall for fab. I get money like a motherfucker. Shades darker than a bitch, but I can see. I got everything, you got nothing. But you ain't got nothing on me. I'm getting money like a motherfucker. Yeah, Mr. money you will never see. High definition. Yeah, I got everything. You got nothing, but you ain't got nothing on me. I'm on the grind till the police come. With that pistol on my side, boy, don't be dumb. Or I let that semi twirl ya. Now you can follow the drip, cause one shot out of the clip, but Jerry curl ya. Leave you sloppy like seconds, obey me like peasants, or get opened up like presents. Please, my young boys riling for respect. Slit your throat, have you smiling with your neck. Say cheese, my dough's a bit longer. My flow is just slaughter. My wrists look like frozen Poland spring water. So tell me boys, who you think you messing with. I get money out the ass, that's some expensive shit. Haven't y'all all heard? What? Y'all all heard? Yep. I stick toothpicks. Where? And y'all all derbs. Listen, I'm a shark, y'all just koi fish. What else? Octopus. What else? Oysters. Chump, I got my eye on your wifey now. Yeah. I have her lick me up and then wipe me down. Down. She told me use a nag, use a bug. Damn. She told me I'm a blast, I'm a stud. Damn. She told me you be beastin', you be checking for the burn. So I gave her knee pads for the rug. It's Skull Gang from the chain of the lifestyle. You surfboard dudes get wiped out, totally. I'm getting money like a motherfucker. Shades darker than the bitch, but I can see. I got everything, you got nothing. But you ain't got nothing on me. I'm getting money like a motherfucker. Got money you will never see. I got everything, you got nothing. You ain't got nothing on me. Get you 3-4, get you like the number after one number. Get me 2. Like A-Stacks. Fuck your city, your town, I stay facts. Take that, no, better yet, like Diddy. Take that. Wait, rats, I hate rats, I clean them out like Ajax. Got paper like A-Fax, machine, asinine. Damn, I mean, asinine, I'm dapper dying. After mine, there will be nine. Damn, I mean, there will be none. I will be one of the greatest things you've ever felt, you've ever seen. All heard, Carter, Harbor, y'all scared. Not me, not I, call me young Pop. Tell Bruno I'm a Nuno, I bring rail to your funeral. Damn, I mean, funeral, funeral. You say tomato, I say tomato. You say get 'em, I say got 'em. Yeah, I got 'em, man. You better keep paying me, 'cause you don't want my problems. I be wildin' like Capital One. What is in your wallet? You fly, but what is it to pilot? Wheezy, I'm at the top, foot up in your bottom. Damn, I mean, foot up in your ass. I kick that shit, I gon' put it in the trash. Shades darker than the fish, but I can see. I got everything, you got nothing. But you ain't got nothing on me. Yeah, I'm getting money like a motherfucker. Money you will never see. And you ain't got nothing on me. Yeah, I'm getting money like a motherfucker. Shades darker than the fish, but I can see. Yeah, I got everything. Vermeil, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et vous êtes toujours dans les bons crus spécial Lil Wayne. Donc on vient goûter You Ain't Got Nothing avec Joel Santana et Fabulous. Donc un gros son, c'était fin de l'album là, que des gros couplets, il y a à peine de refrains. Il y a Lil Wayne qui nous fait un hook des plus mémorables sous autotune, maîtrisé à la perfection. Donc Carter, donc on disait hors antenne là, Emily, tu disais Julien, c'était... Mais alors, j'ai pas envie de dire de bêtises du coup, mais après qu'on me reprenne ou pas, c'est pas très grave. Je sais plus. Allez. Si c'est... Non, je sais plus si ce morceau c'était parce qu'il avait vendu, il avait arrivé à 1 million de ventes la première semaine avant de sortir le deuxième clip, ou alors 1 million de précommandes, je sais plus. Ouais, enfin, c'était pour ça en fait, c'est pour ça qu'il avait fait 1 million en fait, tout simplement. Ok, et du coup... Ouais, c'était un énorme succès commercial, hein, cet album. Ça avait fait, par contre, 1 million en première semaine, ce qui était exceptionnel, hein, parce que... Là, c'est en première semaine, alors, ouais. Mais... En première semaine, mais... Non, mais peut-être qu'il avait fait... Je sais pas, mais il y avait quand même 1 an et demi d'attente, je crois, pour l'album, et tout ça, ça a été repoussé et tout. Enfin, ça a mis du temps à sortir, comme tous les albums de Lil Wayne. Ouais. Il avait même, pas avant le Carter 3, il avait sorti Sorry for the Wait et tout. Je sais pas si Oui, la mixtape, ouais. Ouais, voilà, et... C'est vraiment un adepte des séries, là, quand tu dis Sorry for the Wait, parce qu'il en avait fait plusieurs. Ouais, il en a fait Dedication, plusieurs. Dedication, plusieurs. Carter, ouais. Plusieurs, il aime bien. De toute façon, il est surproductif. Et il y avait aussi le Carter Documentary, du coup, qui était sorti aussi. Ouais, un des meilleurs. Ça vaut pas. Tu vas pas me contredire, ça vaut largement le documentaire de Travis Scott. Qui Travis qui Ok. Voilà, écoutez l'émission de la semaine dernière. Donc, on va enchaîner maintenant avec. Avec quoi on va enchaîner? On peut enchaîner avec. Moi, tu m'avais dit que tu voulais mettre un petit son extrait d'une mixtape, puis je pense qu'elle était oui, c'est ça. Avant Carter 4. Voilà, donc on a parlé de plein de mixtapes. Là, je vais parler d'une mixtape dont on n'a pas parlé, qui s'appelait No Ceiling, qui était sortie en 2009. Donc, c'était clairement. On était toujours dans cet âge d'or un peu de Lil Wayne. Il était vraiment au top du game, proche du déclin, mais ça, on en parlera un petit peu après. Donc on va écouter Wasted, donc c'est sur No Ceiling, sorti en 2009. Bitches brag for me. Oh, she a good girl. I gotta transform it. She give me hot head. I call it global warming. If we gon' do it, dog, let's do it now. I am more animal than the zoo allow. Put me in the wild. I'll be there for a while. You niggas little league. Call them Curacao. Energize the money. It keep going. I'm laid up. I'm free throwing. Who rebounding? Who gives a shit? Fuck that, I got 27 years of this. Hit or miss, I hit your missus. You are local news, I'm 60 minutes. I hit the target, I hit the witness. I work out in my office, guess I'm fit for business. Too many visions, completed missions. Still icing out crosses, keep it Christian. We consistent, the streets commended. Weezy F, baby, the F is for forensics. From start to finish, Usain Wayne. Okay, you're doing your thing, well things change. You plain Jane, I'm diverse. I say the world second, and I get high first. I'm a mind freak, check my time sheet. Bitch, I bring the noise, where the lions sleep. Yo flow never wet, like grandma pussy. I'm always good, like grandma cookies. Yeah, call me the spleen or the spine fixer. It's going down like the Catalina wine mixer. She going down like the hands on my time ticker. I'm always strapped, Vietnam nigga. We are fine nigga, like Amber Rose. We ball nigga, like Jalen Rose. Better tell them hoes, I got a million flows. Label me the hardest nigga in civilian clothes. Young Money baby, and the building gasoline. She's on fire, put her out. As a matter of fact, take her out, 'cause she's on fire. Down on my knees and ask my Lord to keep me clear from the devil, 'cause my girl, she's on fire. Yeah, I hear it, everything is so cool. Yeah, like give me them back shots, shots. I want them back shots, shots. I say, shorty, let me play up in that matchbox, and she's on fire. Yeah, shot, shout it, let a nigga ride the stick against a matchbox, and she's on fire. She hot as hell, let's call her Helen. Fireman to her rescue like 9/11. Fucking right, I make her high, she got the devil with her. I do whatever with her, Hell's Angel. Fuck her feathers, nigga. I am the fire spitter. I start a fire with her. Okay, her flame's high, but I am higher, nigga. So I invite her up, and then I light her up. I'm a bad, I'm a mean. Kerosene, she's on fire. Put her out, as a matter of fact. That's my love to keep me clear from the devil, 'cause my girl, she's on fire. Yeah, but everything is so cool. She's on fire, she's steaming, she's screaming, she's creaming, she's feeling, never dreaming. I keep between it like a meaning. Then I leave it steaming. Vous êtes toujours dans les bons crus avec moi-même, Julien et Simon, pour cette spéciale Lil Wayne. Donc on a écouté en deuxième leçon She's on Fire. C'est ça. De Lil Wayne, qui est en fait une reprise pour ceux qui ont pu reconnaître de Amy Holland. Et en fait, c'est un track qui s'appelle donc She's on Fire, qui est extrait de la bande-son du film Scarface. Voilà, qui était sorti en 1983. Bon, j'ai voulu mettre ce morceau parce que Lil Wayne il a fait du très bon comme du très mauvais, et Rebirth, cet album là j'avais pas trouvé ça ouf, à part ce morceau que j'avais vraiment écouté en boucle pendant un moment, parce que ça m'avait donc rappelé Scarface, ça j'avais kiffé. Alors Lil Wayne sur cet album-là, en fait, il s'est lancé, il s'est dit, je vais faire du rock, ouais, clairement. Mais après, Lil Wayne, il se lance dans beaucoup de choses, tu vois. Il adore faire de la guitare, il veut faire de la guitare, donc il veut faire Rebirth. Mm-hmm. Après, il fait du skate. Et il crée une marque de skate. Oui, il crée une marque de skate. et il fait tout. Alors qu'il est pété en plus. Ouais, voilà. Et je pense qu'il est aussi nul en guitare qu'en skate. Il est juste bon à faire du rap, tout simplement. C'est déjà pas mal. Et l'autotune hyper bien utilisé dans ce morceau. Et disons qu'évidemment, il ose faire des trucs, il ose tester. Là, j'ai vu d'ailleurs récemment, en tapant son nom sur Google, qu'il lançait son business de weed. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, hein, voilà. Oui. Aujourd'hui, il a cette opportunité-là aux States. Ouais. Après, un truc qu'on n'a pas dit sur Lil Wayne aussi, avec sa voix, c'est qu'il a une particularité, je pense, qu'il a fait réussir, je pense, hein, c'est même outre-Atlantique, justement, c'est sa faculté à bien épeler les mots. C'est un rappeur que tu peux comprendre ce qu'il dit, même si tu parles pas anglais de ouf, tu vois. Tu peux vraiment écouter ses phases et comprendre. Et la punchline aussi, un sens de la punchline de dingue. Ouais, et au final, c'est marrant que tu dises ça parce que il s'est fait un petit peu pas remplacé par Young Thug, évidemment, mais on l'a déjà dit dans cette émission que Young Thug, quand il est arrivé, en fait, c'était la fin de Lil Wayne, et puis il y a Young Thug qui est arrivé et qui a pris un espèce de relais dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, Young Thug, lui, il articule pas trop. Ouais, moi, il marmonne plus. Mais Lil Wayne, il marmonne aussi. Hein, mais je sais pas, je trouve qu'il a une articulation marmonnée, mais qui fait bien comprendre le truc. Après, si Young Thug, il a pu prendre la place de Lil Wayne, c'est aussi parce que Lil Wayne, il est parti dans des débats judiciaires avec Birdman qui ont fait qu'il a bloqué son Carter 5 et qu'il a jamais pu le sortir au bon moment. Et que quand il l'a sorti, je sais pas combien de temps après, c'était tout pété parce que c'était plus du tout d'actualité. Ouais, ouais. Puis ça a été des petits bouts qui ont été rattrapés par. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Ouais. Avant Carter 5, du coup, il y a eu Carter 4. Et tu dis qu'il a eu des problèmes avec Birdman, mais avant ça, il a même été en prison pendant 8 mois en 2010. Bon, il s'était arrangé évidemment pour avoir de la musique à diffuser pendant cette période-là. Mais ça lui a quand même mis un coup d'arrêt. Et il a sorti donc Carter 4 après, qui a quand même été un succès. Hein, oui, ça a très bien marché. Moins que Carter 3, parce que les gens s'attendaient à un truc de fou pour Carter 4, qui était quand même moins bien que Carter 3. C'est ça, Carter 3, c'est acclamé par la critique, mais aussi par le public. Enfin, c'est. Voilà, tous les fans de rap. Généralement aime cet album, quoi. Je crois que c'est un des albums qui a mis tout le monde d'accord le plus dans le rap américain. Ouais, ça, mais t'en as quelques-uns. T'as Carter 3. Après, peut-être parce que je suis ancien, mais enfin Carter 3, My Dark Twisted Fantasy de Kanye West, c'est des albums. En fait, si tu veux, si t'aimes le rap américain, c'est de des Black trucs. Black Album de Jay-Z. Ouais, voilà. ce genre de trucs. Ouais, voilà. C'est des trucs. Ça reste des classiques, même si tu les écoutes, je sais pas combien de temps après, quoi, tu vois. Mm. Donc là, on va s'écouter un son de Carter 4, donc qui est sorti après ces petits problèmes judiciaire. Donc c'est 6 foot 7 foot, et ce que je disais à Julien en antenne, c'est que pour moi c'est un peu le du Carter 4, avec un sample donc avec une voix samplée mais sur une très courte période et qui est répétée à l'infini comme ça. Bon, vous allez vous en rappeler. Patricia, Young Money Militia, and I am the commissioner. You don't want to stop easy, cause the F is my finisher. So misunderstood, but what's the world without enigma? Two bitches at the same time, synchronized swimmers. Got the girl twisted, cause she open when you twist her. Never met the bitch, but I fuck her like I missed her. Life is the bitch, and death is her sister. Sleep is the cousin, what a fucking family picture. You know father time, and we all know mother nature. It's all in the family, but I am of no relation. No matter who's buying, I'm a celebration. Black and white diamonds, fuck segregation. Fuck that shit, my money up. You niggas just hunting up. Young money running shit, and you niggas just runner ups. I don't feel I done enough, so I'ma keep on doing this shit. Let's hunt you a young tuna fish. Yeah, I'm going back in. Okay, I lost my mind. It's somewhere out there stranded. I think you stand under me if you don't understand me. Had my heart broken by this woman named Tammy. But hoes gon' be hoes, so I couldn't blame Tammy. Just talked to moms, told her she the sweetest. I beat the beat up, call it self-defense. Swear man, I be seeing through these niggas like sequence. Niggas think they heatmen, pow, pow, the end. Talking to myself because I am my own consultant. Married to the money, fuck the world, that's adultery. You full of shit, you close your mouth and let your ass talk. Young money eating, all you haters do is asshole. Stop playing, bitch, I got this game on deadbolt. Mind so sharp, I fuck around and cut my head off. Real nigga all day and tomorrow. But these motherfuckers rappers talking crazy like they jaw broke. Glass half empty, half full, I'll spill ya. Try me and run into a wall, outfielder. You know I'm a ball till they turn off the field lights. The fruits of my labor, I enjoy them while they still ripe. Bitch, stop playing, I do it like a king do. If these niggas animals, then I'ma have a mink soon. Tell them bitches I say put my name on the wall. I speak the truth, but I guess that's a foreign language to y'all. And I call it like I see it. And my glasses on, but most of y'all don't get the picture unless the flash is on. Satisfied with nothing, you don't know the half of it. Young money, cash money. Paper chaser, tell that paper, look, I'm right behind ya. Bitch, real G's moving silence like lasagna. People say I'm borderline, crazy, sorta, kinda. Woman of my dreams, I don't sleep so I can't find her. You niggas are gelatin, peanuts to an elephant. I got through that sentence like a subject and a predicate. Yeah, with a swag you would kill for. Money too strong, pockets on bodybuilder. Jumped in a wishing well, now wish me well. Tell him kiss my ass, call that kiss and tell. Yeah, word to my mama, I'm out of my llama bean. Don't wanna see what that drama mean. Get some drama mean, llama scream. Hotter than summer sun on a Ghana queen. Now all I want is hits, bitch, Wayne signed a fiend. I play the side for you niggas just trying to front and see. Son of Gun, son of Sam, you niggas the son of me. Pause for this dumbest speech, I glow like Buddha. Disturb me and you'll be all over the flow like Luda. Bitch, I flow like Scuba, bitch, I'm bold like Cuba. And I keep a killer hoe, she gon' blow right through ya. I be macking about my stacking amount, I pack like a mover. Shout the ratchet for backing out on behalf of my shooter. Niggas think they high as I come laugh at your ruler. Cash money cold, bitch, but our actions is cooler. Wait, these niggas out they mind, and I told these fuck niggas some hundred times that I keep them bucks, they be on my mind. Tuck these, I fuck these on your mind. Pause, to feed them on my grind, get it beat a little up, keep throw my sign in the middle, hit them a piece on my side. Cause ain't no peace on my side, bitch. I'm a man, I visit urinals with bride. Tune, tell me too, I'm shooting when the funeral outside. I'm uptown, thoroughbred at BX, nigga, you heard Gunna. Gunna, Gunna. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission spéciale Lil Wayne. Ça m'a fait plaisir de parler d'un de mes rappeurs préférés. Et moi donc. Eh oui. Donc Lil Wayne, là, c'était Carter 4. Je voulais passer un petit son avec Young Money, mais on n'aura pas le temps, malheureusement. Donc, ce que je voulais juste dire, en fait, c'est que Lil Wayne, après ça, il avait monté son propre label, Young Money, qui était un peu flou avec Cash Money, du coup, parce que Young Money, je crois, était dans Cash Money. Bref. Et Young Money, il a lancé des artistes comme Drake et Nicki Minaj, qu'on a clairement... Drake, Nicki Minaj, Tyga, ouais. Il y avait aussi... Lloyd Banks. Lloyd. Il y a un mec qui s'appelait Lloyd qui faisait du R&B. Lloyd. Il y avait aussi, comment il s'appelle, je m'en rappelle plus. Il y avait une palette de rappeurs et on peut les retrouver. C'est d'ailleurs très très très bonne mixtape, hein, la mixtape Young Money. Ouais. We Are Young Money. Là, je voulais passer un son qui était avec Gucci, du coup. Ouais, bon, ouais. Mais on peut voir aussi que Lil Wayne avait carrément repris au final ce flair, cet instinct qu'avait son mentor Birdman, en fait. Il a pris le relais et il a lancé Nicki Minaj et Drake. C'est quand même des superstars des 10 dernières années. J'avoue. Lil Wayne, au final, était sur le déclin, mais il a été assez intelligent pour lancer d'autres. Et maintenant, il récupère au final de l'argent grâce à eux, hein, directement, vu que c'est le boss de Young Money. Donc, on va vous quitter là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine. Yeah. Man, fuck these niggas. I'ma spare everything but these niggas. I flip a gun and gun but these niggas. Take the knife off the ache and cut these niggas. Yeah, and fuck these bitches. I swear I care about everything but these bitches. I don't care, I saw what these bitches. And I put Young Moolah Billy above these bitches. If it ain't broke, don't break it. And if he ain't shook, I'm gon' shake him. Hope I don't look weak, cause when a wolf cry wolf, you still see that wolf teeth, motherfucker. Futuristic handgun. If you act foul, you get 2 shots and 1. I'm at your face like man cum. You niggas softer than Roseanne, son. You cannot reach me on my Samsung. I'm busy fucking the world and giving the universe my damn tongue. Crazy motherfucker, I am one. But the crazy thing is, I began one. All white bricks, I'm straight like it's jumping back to 36, nigga. Big house, long hallways, got 10 bathrooms, I could shit all day, nigga. And we don't want no problems. Okay, you're a goon, what's a goon to a goblin? Yeah, it came on the beat. I fuck around and leave a nigga brains on the street. Ooh, now pop that pussy. I bring it to my bedroom and pop that pussy. What the fuck is up? It's Gucci Man the G. It's Titty Boy, no Pity Boy, bitch, cross city the city boy. So icy, so no Nike boy, just Gucci Louis Prada. Excuse me, Gucci Man keep shitting on me. Why that boy keep buying shit? He's still on a cock and helmets, bandanas on car antennas. No, we do not talk to strangers, just cut off these niggas' fingers. Gucci's something dangerous, cocaine, codeine, and angels, though. This AK-47, I hit your airwell from the ankle up. This ain't size as me alone, clip long as a Pringles can. 4-5 Desert Eagle on me, you think I'm an Eagles fan. Tony Brush, the sniper rifle, making never breathe again. Fuck that nigga, kill that nigga, bring him back in, I'm a bitch. Gucci. Yeah, the money is the motive. Fuck with the money, it get ugly as coyote. Okay, I'm reloaded, better pull it if you told it. I buy a pound, break it down, and put it in a stogie. Swagger so bright, I don't even need light. I'm with a model bro, and she don't even need rice. But would you believe it, she dykes. And she asked me for a picture, so I gave her 3 strikes. Yeah, I'm the man around this motherfucker. I'm so hot you probably catch a tan around this motherfucker. This rap game, I got my hand around this motherfucker. Yeah, I said game, but I ain't playing around this motherfucker. Yeah, I'm the best to ever do it, bitch. And you the best at never doing shit. If you the shit, then I'm sewer rich. Try me and I have your people reading eulogies. I swear you can't fuck with me, but I can fuck your girl and make her nut for me. Then slap for me, then kill for me, then steal for me. And of course it'll be your cash. And I'll murder that bitch and send her body back to your ass. And we don't want no problems. Okay, you're a goon, what's a goon to a goblin? Yeah, it came on a beat. I fuck around and leave a nigga brains on the street. Ooh, now pop that pussy. I bring her to my bedroom and pop that pussy. And we be steady mobbing. Ooh, keep a savage, be ballin' is my hobby. Man, suck my clip. Swallow my bullets and don't you spit. I am the hip hop socialist. Life is a gamble when I'm all about my poker chips. Do you want a dose of this? I will make the most of this. F is for ferocious. Murder your associates. The top is so appropriate. This is just where I belong. Keep a hard dick for your girlfriend to wobble on. We. And we don't want no problems. Okay, you're a goon, what's a goon to a goblin? Yeah, it came on a beat. I fuck around and leave a nigga brains on the street. Ooh, now pop that pussy. I bring her to my bedroom and pop that pussy. And we be steady mobbing. Ooh, Kima Sabi, big ballin' is my hobby. And we don't want no problems. Okay, you're a goon, what's a goon to a goblin? Yeah, it came on a beat. I fuck around and leave a nigga brains on the street. Ooh, now pop that pussy. I bring her to my bedroom and pop that pussy. And we be steady mobbing. Ooh, Kimasai, baby, ballin' is my